Et tu as bien raison d'écouter la face B de ce disque. Et maintenant que je suis président, je vais pouvoir te raconter une petite histoire qui me tient au cœur. Une petite histoire qui vient de ma région natale. Il s'agit du Lapinou dans la garrigue. Et non, jeune con, le Lapinou à l'Élysée. Alors attention l'orchestre, à mon top départ. Top départ. C'est le Lapinou à l'Élysée. C'est le Lapinou à l'Élysée. C'est le Lapinou, c'est le Lapinou, c'est le Lapinou à l'Élysée. C'est le Lapinou à l'Élysée. C'est le Lapinou à l'Élysée. C'est le Lapinou, c'est le Lapinou, c'est le Lapinou à l'Élysée. C'est le président à l'appareil. Oui? Comment ça non? Hein? Oh. Ah bah j'ai pas gagné. Ah bah j'étais persuadé que... Oui bon d'accord. Ok là. Oui mais... Bon d'accord. Bon au revoir monsieur le président. Non, vous-même, pas moi. Au revoir. Bon les gars, c'est raté, c'est pas pour cette fois. Bon allez le groupe, c'est pas grave. 3, 4. C'est le Lapinou qui rapporte à l'Élysée. Ils sont fous! Ils ratent dans son carrière!